found it much too late to try and apologize for my mistakes. But I just want you to know, I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done. Bruno Mars, When I Was Your Man sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. 6h06, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est déjà jeudi, qu'est-ce que ça file. Ah, c'est vrai, semaine, passe c'est vite dingue. Cette semaine. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Tiens, regarde-moi dans les yeux sans regarder ton conducteur, c'est le papier, c'est le, oui. Ce qui nous sert de référence pour travailler. Combien de numéros du double expresso RTL2? Combien de fois tu t'es levé à mes côtés? Oh là là, mais je veux même pas savoir. Vas-y, dis un chiffre pour voir si tu suis. Non, je suis pas du tout là-dessus. 470. 470. Ah. J'avais 469, j'étais pas loin. Dont 13 avec Jonathan O'Donnell, qu'on l'en salue, bonjour. 13 seulement, un peu plus quand même. Peine. On s'aime beaucoup quand même très très fort. Hein. Ah, 470, bah oui, puis, on n'a pas prévu de pas continuer à s'aimer. Bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Bonjour l'équipe. Depuis la première, évidemment. Bonjour à Max. Bonjour l'équipe. Sociaux. Pareil également, et c'est oui. Une équipe de fidèles. Bonjour Anaël et Clara. Bonjour. Ça va bien? Ah oui. Alors, Justine, hier, t'as tenté un exploit. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as presque réussi à te coucher tard. Ouais, presque. Presque. J'ai été à un concert, je suis repartie. Voilà. Bah oui, trop fatiguée la semaine. Bah oui, t'as bien été sûr. Au foot, toi? Oui, j'étais au Parc des Princes pour le PSG qui a battu Liverpool. C'était bien, belle ambiance, franchement. C'est ouais. Par contre, le problème, quand on va au stade en semaine, c'est qu'on se couche tard quand même après. Ah bah c'est dur, hein. Et ouais, on crie aussi. La pour moindre la radio, minute. Y a rien qui va au stade. Okay. Couche tard, on perd sa voix, ça a pas un sens fou. Évidemment, il y aura le top 3 de Jonathan. Bah oui, je suis là, 6h55, 8h55. Il y a un truc à dire, le gars se court sur l'oreille. Ah là là. C'est pas possible. Bon, Jonathan. Bah oui, mais c'est le début. Mais il se réveille en même temps que c'est vous tous, il est 6h07. Émission. Ouais, ouais, appliquez-vous comme un. Bon, la fois expresso, l'horoscope, le winner du jour. Et puis le tube de la brosse dans RTL, le 32-28 à 6h45. Voici les cures. Close to me sur RTL2. So sick, I wish I'd stay asleep today. I never thought this day would end. Never thought tonight would ever be this close to me. Yeah.

va jouer à 16h45, Justine. Hein. On joue au tube de la brosse à dents. Appelez-nous au 32-28 pour gagner 300 euros de chèque Cadeos. Voici Chumba Wamba. Bon réveil dans le Double Expresso. Wamba, Top Thumping sur RTL 2, 6h18. L'Info Expresso, RTL 2. L'Info Expresso, c'est tous les jours, 6h20, 7h20, 8h20. On fouille la presse et le web pour vous. Exactement. Et l'actualité qui nous a inspiré ce matin pour l'Info Expresso, c'est, ça se passe à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Il y a un couple qui est fan de foot et qui a déclaré à la mairie son fils qui est né début novembre. Et ils l'ont appelé Griezmann et Mbappé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi l'un ou l'autre, ils ont fait les deux. Les services de l'état civil ont du coup saisi le procureur de la République et ça nous a interrogés, on s'est dit, cette histoire de prénom, il faut qu'on cherche et qu'on explique pourquoi on peut et pourquoi on ne peut pas donner certains prénoms. C'est un éternel débat, ça. Ouais, alors bon, Griezmann et Mbappé, c'est quand même pas simple à porter. Non, j'avoue. Je ne veux pas j'avoue. Donner portée de jugement. Mais on peut les adorer, mais quand même, ouais, pensez à vos enfants. Femme actuelle a fait un dossier spécial, choix des prénoms, tout n'est pas permis. L'originalité, oui, le ridicule, non. Ça, c'est le principe, c'est la loi. Alors, la confusion des gens, vous vous souvenez, il y a quelques jours, on parlait de Liam pour une fille et Amb pour un garçon. Oui. Ses parents qui voulaient inverser. Ouais. Bon, il y a eu un refus et les parents ont saisi la justice. On vous en a informé. Ça, c'est pour les deux cas importants du moment. Alors, il y a des exceptions qui sont tolérées. Par exemple, les apostrophes peuvent être tolérées, mais pas tout le temps dans un prénom. Derken ou Derchen, je ne sais pas comment on peut prononcer, ou Axel avec un X, AX apostrophe L comme Axel Rose, ou AXEL, par exemple. Ah, ça, d'accord. C'est pas autorisé. Ah, oui. C'est compliqué. On peut changer de prénom, mais c'est rare. Il y a 3000 personnes qui demandent à changer de nom, dont un exemple très précis de Madame Javel, ça, bon, ça c'est son nom de famille, oui. Qui s'appelait Aude. Ah oui, ah c'est ouais. Ouais, non, mais là, franchement, et ça, je ne comprends pas les parents. Vous êtes sûr que c'est pas une blague en bas? On fait l'association quand on cherche un prénom, c'est quand dingue, même. Non. Pourquoi? Tu vois, c'est monsieur et madame Bonjean, voilà, c'est chiant. Ouais. C'est non, la blague c'est des CP, mais c'est pas possible. Donc, eau de Javel, bah ouais, tu changes. Oh non, c'est dur. Bah oui, bah, c'est véridique tout ça. Alors, il y a des prénoms improbables. Horty, Winner, Blocus, Lola Poupoun, Chachai, Ritz ou Halloween. A-L-L-O-W-I-N, c'est étonnant. Et pour info, par exemple, Kev Adam, c'est Kevin, son vrai prénom. Ouais. Louane, c'est Anne. Ça vient de là, en fait, son nom donné. Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, c'est Anna Hidalgo. Ah oui, voilà, il faut d'accord. préciser ce genre de choses. On vous passe tout ça sur la page Facebook Double Express RTL2. Ça va vous faire réagir. Vous allez nous dire ce que vous en pensez et on en reparlera tout à l'heure. Voici Cat Some Trees, le nouveau sur RTL. You're not coming home, I dig my time with you. Visions on the TV crush my mind. The crash acts like a dog, I'm losing time. You're my sister, the tattoo on my skin. As you lead me underneath the stars. You're my sister, the tattoo on my skin. You build a neon castle with your eyes. Smoking on the floor, I had no words to say. Lovers all around you crush my mind. My heart beats like a drum, drum close to you. You're my sister, the tattoo on my skin. You build a neon castle with your eyes. Chanson If You Feel, ils sont actuellement en tournée sur l'Olympia le 21 février prochain. Voici votre horoscope de ce jeudi matin. Justine, les médailles de bronze et les sagittaires. Vous êtes un peu dans la lune, concentrez-vous. Les béliers. Il faut vous endurcir et vous faire entendre. Et les Verseaux. Vous n'êtes pas très chanceux en ce moment. Passons médaille d'argent, les gémeaux. Votre joli sourire vous fait rayonner. Allez, les taureaux. Vos proches vous couvriront de compliments aujourd'hui. Les cancers. Vous êtes soucieux du détail, c'est un très bon point. Les lions. Ce matin, vous êtes levé du bon pied et ça se ressent. Les Vierge. Voilà une journée parfaite pour se faire plaisir. Balance. Tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes unique. Les scorpions. Vos idées bouillonnent, profitez-en pour entamer de nouveaux projets. Les capricornes. L'énergie que vous avez naturellement en rend jaloux plus d'un. Et la médaille d'or, c'est pour? Pour les poissons, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment dans votre vie et les jours à venir n'en seront que meilleurs. On vous souhaite un bon réveil, voici Depeche Mode, Personal Jesus sur RTL2. So

c'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess, on chantait à sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Allez, on y va, trouver sur actu.fr. Un winner envoyé par Magali sur la page Facebook du double expresso RTL2. Merci à vous de nous envoyer souvent des infos d'ailleurs, des petites news. On vous applaudit. Bravo à vous, merci d'être là. Sans vous, nous ne sommes rien. Pour toi, public. Alors, ce winner, ça s'est passé lundi dernier, lundi 26 novembre, en soirée, dans le quartier des Carmes à Toulouse. Il était à peu près 23h. Et là, la police a été appelée pour venir en aide à un restaurateur. Parce que un de ses clients venait de lui voler quelque chose, venait de lui voler une table. Ah, carrément ? Une table ? Une table. Mais... c'est pas discret. Le client en question, bah non, comme tu dis, Maxou, c'est pas discret. Donc il a été retrouvé et interpellé assez facilement. Hein, parce que, on cherche le voit, un mec avec une table. Même. Parce qu'a priori, il se dur à dissimuler. C'est ça, on le voit. Il est âgé de 22 ans, ce jeune homme, inconnu des services de police. Il a expliqué aux policiers qu'il avait eu un différend avec le restaurateur sur le règlement de l'addition. Il n'était pas content, donc il a volé une table. Mais voilà. Chacun montre son mécontentement différemment. Bon, voilà. Et apparemment, selon la police, le jeune homme entendait même aller plus loin. Il comptait se rendre dans le métro, sa table sur les bras. Ah ouais, sous les bras. Ouais, bien sûr. Mais moi, je vole une salière, quoi, tu vois, si je veux faire ça. Non, mais tu voles pas. Déjà, on ne vole pas. Non, tu as raison de le préciser. Bon, si les couverts sont en argent, je sais pas. Tu parles, je sais pas. Mais ça se trouve, le mec, il s'est fâché avec 5 restaurants différents pour aménager sa cuisine. Une table là, une chaise par ici. Improbable. Bien chez moi, c'est tous les restaurants de Toulouse qui sont à la maison. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Il nous a fait un winner. Hein, ça aura au moins servi à quelque chose. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying

someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sold them all I know. h 46, le DJ m'a écouté. Voici Imagine Dragons, Natural, dans le Double Expresso. Avant quel jeu? Avant le tube de la brosse à dents. Oh, l'hésitation, le doute, la peur. C'est le contrôle. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna make it! Imagine Dragons Natural sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Hop, hop, hop, hop, hop. On joue tout de suite avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Salut Cédric, comment ça va? Bah ça va, ça va. Bonjour à toute l'équipe, Greg, Justine et puis tout le monde. Bah bonjour. Bienvenue. Bonjour Cédric, c'est bien. Vous êtes à la Couture Bousset, c'est dans l'Eure, pour être tout à fait précis. Vous nous écoutez sur 105.9 et vous allez partir travailler. Vous êtes déjà arrivé, comment ça se passe ce matin? Je suis en déplacement, là, je m'en vais sur Le Mans. D'accord, vous partez au Mans, très bien. Voilà. Et du alors... coup, qu'est-ce qu'on mange au Mans? Des rillettes. Ah, des rillettes. Des rillettes. Trop bonnes. Ah, j'ai envie de rillettes, là. Oh, là, j'ai faim. Et alors, sur votre fiche que Clara nous fait précieusement, c'est marqué « Cédric est à folle ». Ça veut dire quoi, « folle » Ça veut dire « adulte fan of Lego ». Donc, je suis un grand garçon de 40 ans qui joue encore aux petites briques, voilà. Ah ouais. C'est drôle. C'est bien, ça. Mais cela dit, il n'y a pas d'âge pour jouer aux Lego. Bah, non. Et... non. Puis ça... C'est une passion qui est vraiment super sympa. On fait des beaux trucs avec ça. Ah ouais, puis alors, on avait fait l'an dernier justement des statues Lego qui étaient venues dans le Double Expresso. C'était absolument incroyable. Et vous avez vu cette vidéo qui circule sur Internet. On n'avait aucune chance avec notre doigt de pied pour vaincre un Lego. C'est 1,3 tonne avant qu'il ne s'écrase, le Lego, qu'on arrive à le briser. Ah ouais. De pression. Bon, je vous présente Bruce Springsteen. Oh yeah, bonjour les pop rockers. Cédric, comment ça va? Ça va, ça va. Est-ce que vous êtes aphobe, adulte, fan of bros? Ça, c'est important quand même. Il n'y a pas de souci. Excellent. Ça, j'adore. Allez, pour gagner 300 euros de chèque cadeau Cadeos, on écoute la chanson chantée par bros. C'est au connu du deuil. C'est au connu du deuil. C'est au connu du deuil. C'est au connu du deuil. Oh, ça devrait aller. Allez, Cédric. Ouais, Indochine Canada. Mais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, artiste, titre, la totale, Cédric. Pour vous, 300 euros de chèque Cadeo, oh, c'est une composition super de chocolat de Neuville pour vous faire plaisir. Pour les fêtes, oh, ça fait toujours du bien, ça rassure. C'est génial. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. À vous et à vos Lego. À très vite, Cédric. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un super double expresso. Thank you.

La météo dans la matinée, le temps sera pluvieux des pays de la Loire et de la Bretagne Hauts-de-France. Sur les côtes de la Manche, le vent sera assez fort comme hier avec des rafales attendues jusqu'à 80 km/h. Au cours de la journée, cette perturbation s'étendra au Poitou-Charentais au centre, puis de la Nouvelle-Aquitaine à la Champagne-Ardenne. Sur le reste du pays au sud, d'une ligne Bordeaux-Lyon, il fera plutôt beau. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Les températures sont au-dessus des normales de saison. 6 degrés ce matin à Thionville, 7 à Tulle, 9 à Saint-Omer et à Figari, 11 à Andaille et à Saint-Tropez, 12 à Lamballe. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Paris, Orléans, La Roche-sur-Yon et Dijon, 13 à Gruissant et 14 à Propriano. 7h03, c'est le double expresso RTL2. Bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour, tout le monde va bien? Tout le monde est en forme? Ah oui. On est joie aujourd'hui. Oui, bonjour Justine. Salut Greg. Tu es joie ou tu es Justine? Commençons bien cette émission avec Jacob Banks. Oh, il est drôle. Je vais m'excuser, déjà. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter. Say that you don't want me, say that you don't need me, tell me I'm a fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how we started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. All I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Tell me that I'm unknown. Jacob Banks, qui était passé dans le double expresso RTL de Unknown. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. D'ailleurs, demain, notre invité du vendredi, ce sera la jeune chanteuse Clara Luciani. On en parlera tout à l'heure à 8h. Bonjour à tous, bienvenue. T'es en forme, Justine? Oui, ça va. Salut, Greg. Salut, salut. On est jeudi, c'est la Saint-Saturnin aujourd'hui. Qui parmi vous, sur les réseaux sociaux, a une photo de profil? Donc la photo qui sert à nous représenter, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, Facebook ou Instagram, en noir et blanc. Non. Ah, photo de profil, non. J'ai eu à une époque, je l'avoue. T'as eu? Toi et ton ego. Ça fait ténébreux. Tu disais, ah, ça fait ténébreux. Jonathan Donnell, notre humoriste, hein, vous entendez évidemment. Eh bien, sachez, et c'est prouvé, qu'une étude coréenne avance que les internautes comme Jonathan qui postent des photos, qui postent d'ailleurs même pas qu'en photo de profil, des photos en noir et blanc sur Instagram. Alors, moi, c'est ma dernière photo Instagram, par contre, noir et blanc. Eh bien, ces gens-là auraient une vie amoureuse déplorable. Ouais, n'importe quoi. Car ils sont instables émotionnellement. Pour arriver à ces conclusions, l'équipe scientifique a observé plus de 25 000 publications Instagram avec 179 étudiants. En gros, ceux qui se retrouvent tout seuls le samedi soir, noir et blanc. Ah, je suis jamais toute seule le samedi soir. Non, oui, non, on parle. On ne peut pas savoir. Jamais. On parle en vie amoureuse. On parle pas avec. Ah, bah oui, les gars, non. T'allais dire un truc, mais c'était pas intéressant. C'est bien. Allez, on va enchaîner. L'info expresso, l'horoscope, la chanson du jour, la banque RTL2. Et puis, pardon pour toutes celles et tous ceux qui postent des photos en noir et blanc, mais c'est pas moi, c'est une étude. This could be in these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. This world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons.

Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Bonjour. 7h17, on joue à la banque RTL2 à 7h45. Appelez-nous 3228 ou sinon vous envoyez un SMS, le mot banque au 74 900. Et on peut gagner jusqu'à 10 000 euros, c'est ouf. Voici Bonne Jolie comme promis sur RTL2. Oui. Dans le double expresso RTL 2. L'info expresso RTL 2. 7h21, le bon plan nourriture du jour avec Justine. Vous adorez la cuisine, vous aimez tout goûter tout le temps, surtout donner votre avis. Eh bien, j'ai trouvé l'idéal pour vous, devenir goûteur. Mon goûteur, que l'on appelle mon goûteur. Ça, c'est ma femme. Normalement, avant de manger, on fait c'est ça. C'est Cléopâtre. C'est Carrefour, en fait, qui organise des dégustations avec des consommateurs. Alors, le principe est très simple. Goûter une variété de produits frais ou surgelés, alors des gâteaux, des bonbons, des biscuits, et après, déterminer quel est le meilleur parmi la concurrence. Ah c'est ouais. Pas mal comme job, quand même. C'est testeur, en oui, fait, aussi. Testeur, goûteur. Vous êtes installé dans un box individuel avec une salle éclairée avec des néons qui diffusent une lumière semblable à celle du jour. C'est apparemment très important. Tout est mis en place pour que l'appréciation ne soit pas biaisée. C'est logique. Et ne pas parler aux autres, parce que souvent, on est forcément sûr. Perméable à ce qu'ils disent. Faut pas écouter les avis. Donc, vous êtes convoqué à un créneau précis pour être au max au niveau de vos performances sensorielles. C'est pris au sérieux. Alors, c'est quoi, quel horaire les créneaux? Alors, pour le salé, par exemple, 11h, c'est considéré comme la bonne heure. Comme nous. Ah, ça va, on peut y aller du coup. On bah est, ouais, moi je suis libre. Ouais. Pas de souci. Et donc, lors de la séance, les produits vous sont présentés à l'aveugle pour pas être influencé par la marque. Bah, logique. Normal. Et après, vous dégustez, prenant le temps d'identifier l'aspect, le goût, l'odeur, et ensuite vous donnez votre appréciation et une note globale. Bon, bah, voilà. C'est parfait. Où est-ce qu'on peut retrouver ça, Justine? Sur monavisleurendgratuit.com. On va vous. Ah, vous savez quoi? On vous met le lien sur la page Facebook de l'émission, ce sera beaucoup plus simple. Oui, je vais me le noter quand même aussi. Hein, de côté. Toi, tu veux manger gratos? C'est surtout ça l'histoire. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien. Merci, Justine. Bah, mal, avec plaisir. Non, mais c'est un bon petit plan dès le matin, parfait. In this house where I grew up, with cozy chairs and broken cups, memories piled up to the ceiling. Can they tell what I am feeling? I know this house outside and in, but three birds fly. Lay my head. Sur RTL de 7h26, passons à l'horoscope du jour, tiens. Allez, c'est parti, médaille de bronze avec les Sagittaires, Greg. Vous êtes un peu dans la lune, concentrez-vous. Bélier. Il faut vous endurcir et vous faire entendre. Et les Verseaux. Vous n'êtes pas très chanceux en ce moment. Médaille d'argent maintenant pour les Gémeaux. Votre joli sourire vous fait rayonner. Taureau. Vos proches vous couvriront de compliments aujourd'hui. Les Cancers. Vous êtes soucieux du détail, c'est un très bon point. Lion. Ce matin, vous vous êtes levé du bon pied et ça se ressent. Les Vierges. Voilà une journée parfaite pour se faire plaisir. Balance. Tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes unique. Scorpion. Vos idées bouillonnent, profitez-en pour entamer de nouveaux projets. Les Capricornes. L'énergie que vous avez naturellement en rend jaloux plus d'un. Et médaille d'or aujourd'hui pour les Poissons. C'est ça, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment dans votre vie. Les jours à venir n'en seront que meilleurs. Oh tiens, ça j'adore, Plain Whiteys. C'est doux, c'est parfait ça pour commencer la journée. Un petit bonbon au miel, tu vois. Quand on a un peu mal à la gorge en cette période. Ce sera évidemment dans le double expresso RTL2. Il y aura ma chanson du jour qui sera aussi une belle balade. Et puis la banque RTL2 au 3228 ou banque au 74 900. Bon réveil dans le double expresso RTL2. RTL2. Écoutez RTL2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory,

Sur les côtes de la Manche, le vent sera assez fort avec des rafales attendues jusqu'à 80 km/h. Au cours de la journée, cette perturbation va s'étendre au Poitou-Charentais au centre, puis de la Nouvelle-Aquitaine à la Champagne-Ardennes. Sur le reste du pays, en revanche, au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont plutôt douces pour la saison. 5 degrés ce matin à Épinal et Aix-en-Provence, 9 à Dieppe, 10 à Paris et à Arcachon, 11 à Cargèse et 13 à Quimper. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Saint-Étienne, 11 à Maubeuge, 12 à Chambord, 14 à Auxerre et 15 à Castres. Excellent jeudi matin, 7h33. Ça va, t'es en forme, Justine? Oui, je suis joie, je t'ai dit aujourd'hui. Oui, mais tu me l'as dit il y a une demi-heure, je reprends des nouvelles sur RTL2. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. One of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Delilah sur RTL2. RTL2, la chanson du jour. Qu'est-ce qu'il nous prépare celui-là aujourd'hui? On est en plein quart d'heure américain. Alors on a une petite douceur avec Plain White Tees. Eh bien, attention, nouveau slow classique du rock FM slow UK-US. Bon, c'est un peu compliqué ce que je lis. Mais en tout cas, c'est le groupe britannique de Manchester, 10cc, qui est à l'honneur avec I'm Not In Love. Alors là, le nom peut-être vous dit pas grand-chose, mais la chanson, c'est un standard. Alors, c'est une chanson qui nous parle d'un homme qui se ment à lui-même et à la personne à laquelle il s'adresse, il lui dit « Je ne suis pas amoureux de toi ». Et à la fin de la chanson, il se rend compte qu'il se mentait et qu'il est. Ah, mais c'est une chanson d'amour. La particularité musicale de ce morceau, c'est que le groupe s'est attelé à créer avec leur propre voix une chorale, écoutez bien, de 256 participants. En gros, chaque membre du groupe a enregistré une seule note ou accord à la fois. Il y a eu 13 sonorités différentes. Ils ont tout mixé. Il n'y a pas de musique. C'est que leur voix derrière qu'ils ont mixé. Ils en ont fait une chorale monstrueuse. Pour l'anecdote, ce morceau réunit deux génies, Paul McCartney, l'ex-Beatles,